Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur l'antenne de Radio Gamozo pour une nouvelle émission de Ce qu'il faut savoir. Alors, salut à toi, Ludmila. Salut Antoine. D'accord. Aujourd'hui, on est lundi, donc on fête le retour de nos champions du monde. Enfin, il paraît qu'on a gagné. Il paraît, c'est, oui. C'est pareil que les... C'est un peu la fin d'un long calvaire pour ceux qui n'aiment pas le foot. Bon, moi, ça m'a un peu... Bon, quand tu as trouvé des gens qui parlent que de ça, hein, au bout d'un moment, c'est un peu... Un peu relou. Oui, un peu, même pire que ça. Ça a détesté du foot, là. Oui. Enfin, tu parles pas à la bonne personne. Moi, c'est épidermique, là. J'en peux plus. Je suis très contente que moi, ce moi, soit c'était fini. Pareil. Aujourd'hui, ce serait une émission un peu critique. Hein. On va dire beaucoup sur le sport, peut-être particulièrement sur le foot aussi. Hein. Alors, pour débuter cette émission, pas plus tard que la semaine dernière, je lisais le canard enchaîné. Et voilà ce que j'ai pu lire. C'est le résumé d'un livre d'une psychanalyste jungienne, on va dire, qui s'appelle Luigi Zoggia. Alors, comment elle voit le mondial ? Alors, elle voit dans le mondial des dangereuses poussées du nationalisme, avec cet exemple dans les stades. Les hommes ne se sont jamais contentés de donner libre recours à ces pulsions collectives en regardant un simple ballon. Tôt ou tard, cet ordre veut aussi que le sang coule sous ses pieds. Alors, commentaire du canard, le chauvinisme sportif, autre face du populisme. Mais comme tous les... Enfin, va dire que tout n'est pas noir, Zoggia cite quand même ce contre-exemple. Le match le plus glorieux de toute l'histoire du football fut disputé le jour de Noël en 1914. Après avoir échangé des vœux, des cigarettes et des verres, Allemands et Britanniques ont joué au milieu du no man's land entre les tranchées. Alors, c'est un petit exemple pour dire qu'en fait, le foot, bon, j'aime pas forcément trop, mais il n'y a pas forcément que des mauvais côtés aussi. Enfin, si je vais parler surtout des mauvais côtés. Moi d'ailleurs, quand j'étais jeune, comme beaucoup d'ados, j'y jouais aussi, hein, entre copains, voilà. Oui. Il y avait toujours un qui voulait marquer des buts et qui voulait s'incarner dans la star du monde, on va dire. Tu voulais dire quelque chose, non ? Non, pas spécialement, mais soit dit en passant, moi j'ai rien contre le sport en lui-même, hein, mais moi j'aimais bien y jouer ou regarder des petites équipes locales. Voilà, c'est une question d'échelle en fait pour moi, mais voilà, je pense qu'on en saura plus au fil de l'émission. Tout à fait, oui. Les filles, elles jouent à quoi ? Qu'elles sont... En foot ? Non, qu'elles soient ados. Je joue pas au foot, peut-être maintenant que ça a changé. Si, mais... ça dépend des filles. Bon, celles qui se débrouillent bien en sport, c'est des brutasses en général, donc faut pas trop jouer avec. Et si elles se débrouillent déjà bien en foot, elles se débrouillent aussi très très bien en hand. Moi, c'était pas trop mon cas, hein. J'avais peur des ballons. Bon, j'avais aussi des lunettes, hein. J'en ai toujours, mais je les mets plus pour faire du sport. Mais non, ça dépend des filles. Mais maintenant, les filles ont plus envie de se dépasser et de prouver aussi aux garçons qu'elles peuvent être aussi, voire plus fortes qu'eux. Voilà, le handball, parce qu'il y a un truc assez mystérieux, ça s'appelle le handball, alors qu'on a le basketball, le football, et puis le volleyball aussi. Oui, bah, je crois que parce que c'est d'origine allemande, le handball. Voilà, c'est bien possible, là j'étais pas... Donc tu apportes une info aussi à cette émission. Oui. Alors, est-ce que tu sais d'où vient le sport ? Ah, tu vas voir, c'est donc histoire. Alors non, je ne sais pas, mais je serais très curieuse d'en savoir plus parce que je suis quand même aussi un tant soit peu sportive. Eh ben, je vais faire une petite lecture qui est issue d'un livre. La source pourrait paraître assez étonnante, mais c'est d'un généalogiste qui s'appelait Jean-Louis Beaucarnot. Alors, dans un de ses livres qui s'appelait « Comment viennent nos ancêtres », il y a un chapitre qui s'appelait « Comment... le tennis naquit dans les tripots français. Nos ancêtres sont desportés. » Alors, de quoi veut-il parler ? Alors, je commence ma petite lecture. Les gens du pays de Vulguessin-le-Normand et ceux de la forêt de Lyon ont accoutumé, dit un texte de 1387, de eux ébattre et assembler chacun en pour saouler devant la porte de l'abbaye de Notre-Dame de Mortevert le jour de carême prenant. Alors, c'est de l'ancien français, tout le monde a reconnu. À Carnaval, ces braves Normands se saoulaient-ils donc ? que non. Bien au contraire. Il faut simplement du sport en jouant à la soule. Le soule, qui n'a rien à voir avec l'homme soule, a été un jeu très populaire qui le reste longtemps. En 1855 encore, voici un compte rendu fait par un témoin. À ce moment, le spectateur ne voit qu'une masse confuse d'individus qui semblent avoir pris à tâche de s'écraser mutuellement. Ceux qui sont hors du cercle tâchent de s'emparer par la force de ceux qui sont au centre. Ces efforts individuels sans cesse renouvelés impriment à la masse un mouvement des plus singuliers. Tantôt elle se dirige vers la droite, tantôt elle marche vers la gauche. On dirait un animal fantastique à mille pattes. De temps en temps, une de ces bêtes s'affaisse et disparaît. C'est un combattant qui est tombé. La lutte continue sur son corps, il se relève tout pâle, quelquefois meurtri et ensanglanté. Alors, s'agit-il d'une partie de foot ou d'une mêlée de rugby ? Des deux, car la soule est l'ancêtre de ces deux sports. Ils sont pratiqués en France dès le Moyen-Âge, alors qu'ils l'auraient parié qu'ils nous arriveraient d'Angleterre. Que l'on aurait parié, pardon. Nos ancêtres, sans le savoir, jouent donc au football pendant le carême. Le ballon, c'est juste cette soule, choule au chol. Boule en bois ou en cuir bourré de foin, de son ou de mousse. Le but, c'est une mare, un mur ou encore, comme un vulgaire saint, la porte de l'abbaye. Les équipes sont deux paroisses rivales ou encore les célibataires et les hommes mariés. Les spectateurs sont nombreux, hurlent et rient, surtout lorsque la soule atterrit dans une mare avec de grandes éclaboussures. Tout le monde, enfin, s'adonne à ce jeu jusqu'aux chanoines et aux curés qui, comme à Auxerre, arrivent à mêler les prières au coup d'envoi jusqu'aux nobles comme le sire de Gouverville qui se passionne au point de faire un jour éclater ses chausses depuis le genou jusqu'au milieu de la cuisse. Alors je sais pas si tu savais que le foot venait de chez nous, le rugby. Aucune idée, non. Ah, c'est pas fini, parce que les Anglais nous ont piqué autre chose aussi. Ah. Alors, autre surprise, nos ancêtres français moyens, c'est-à-dire paysans et artisans de nos terroirs, jouent régulièrement au golf. Dans les rues des villes, sur les routes des campagnes, ils se disputent une petite balle, souvent appelée un gouret, qui s'est déformée en cochonnet, en goret. Autrement dit, qui s'est transformée par la suite en cochonnet. Voilà. Oui, qui est devenue la pétanque. Voilà, c'est assez étonnant, parce que le golf et la pétanque, c'est le même sport, en fait. Ça s'arrête par là. À l'aide d'un bâton crochu, il la pousse vers un but. Ce bâton, la crosse, donnera son nom au jeu. Là encore, la violence est aux règles et il n'est pas rare qu'un joueur quitte sa partie avec quelques bleus, de là l'expression « crosser quelqu'un », c'est-à-dire le ruder rudement. Ce jeu restera longtemps très en faveur en Bretagne et dans le Nord, avant de nous revenir lui aussi d'Angleterre. Au XVIe siècle, cependant, il connaît en France une évolution. Le manche de la crosse s'allonge et devient un marteau à long manche, un maillet ou encore un mail qui donne un jeu qui donne son nom au jeu comme aussi au terrain où il est pratiqué. Telle est l'origine de toutes les pronades ou quartiers du mail que l'on trouve dans tant de nos villes. Alors je sais pas s'il y en a dans l'Est parce que je me souviens pas avoir vu ça, mais bon, on peut penser que c'est beaucoup dans l'Ouest surtout. Le jeu le plus souvent urbain est très élitiste. Madame de Sévigné est fière d'écrire « J'ai fait deux tours de mail avec les joueurs. Les boules sont faites de racines de buis et conservées dans des sacs de linge sale, ni trop sec ni trop humide. Si on veut qu'elles contiennent leur qualité, si on veut qu'elles conservent leur qualité. Les grands joueurs tiennent compte aussi de la variété des vents, des terrains et de la température. » Donc le goût se perd au XVIIIe siècle, lorsqu'à l'instar de Rousseau, l'on devient méditatif. On se moque alors des Anglais qui se passionnent pour ces exercices physiques jugés vulgaires. Madame de Genlis scandalise la cour lorsqu'elle engage Lebrun pour donner des leçons de culture physique aux enfants du duc d'Orléans. Rentrant d'un voyage en Amérique, il a l'idée, qui passe pour complètement saugrenue, de faire tirer des poids au moyen d'une corde et d'une poulie pour leur fortifier le dos et leur faire porter des semelles de plomb. Exception faite de ce bodybuilding avant le nom, les Français boudent le sport pendant que les Anglais feront évoluer le mail en hockey. Ça fait quand même beaucoup de choses qui nous ont piqué quand même. Hein. Oui, beaucoup. Mais c'est pas fini encore. Hein. Toujours pas. Je sais pas si tu connais le cricket aussi. Oui, merci Alice au Pays des Merveilles. Alors on peut penser aussi que c'est un dérivé du mail. Hein. Ouais. C'est un des sports, je crois que peut-être le quatrième sport le plus pratiqué au monde. Hein. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est le sport national en Inde, donc ça explique ça. D'accord, en effet. Alors que c'est complètement inconnu en France. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous a piqué encore? Je continue. Alors, l'aventure du tennis est plus typique encore. Il a pour ancêtre la paume. Un jeu qui consiste à se renvoyer la balle, appelée estuff, avec la paume de la main. Les bons estuffs doivent être bien garnis et étoffés de bon cuir et de bonne bourre, sans y mettre sablon, craie, battu, de peau, de sciure, cendre, mousse ou poudre de terre. La bonne bourre consiste surtout en poils d'animal, essentiellement de chien. Cette réglementation s'est imposée du fait des nombreux accidents provoqué par les rognures de métal à un temps où le jeu se pratique à main nue. La raquette n'apparaît qu'au cours du XVIe siècle, raquette de grillage de cordes ou de parchemin tendu, lequel provient souvent de quelques vieux manuscrits que l'on considérait aujourd'hui comme précieux. Donc, je passe un petit bout. En 1858, l'anglais Dallington, en voyage en France, était étonné devant la passion des Français pour ce sport. Le pays est semé de jeux de paume, les Français naissent une raquette à la main. La paume devait pourtant conquérir ses lettres de noblesse en Angleterre à la fin du XIXe siècle et nous revenir rebaptisée. Mais rebaptisée d'un nom d'origine française, celui correspondait au cri lancé par le serveur à son adversaire lorsque celui-ci lui envoyait la balle « Tenez ». Devenu entre-temps en outre-manche, tenets, puis tennis. Cependant, c'est bien en France que les premiers noms ont évolué. Sous Louis XIV, les stars existaient déjà, même sans télévision. Et là, je termine. Là, tu vas certainement apprendre une chose. Hein. Le sport est donc bien né en France. Son nom n'a d'ailleurs rien d'anglais, mais vient de l'ancien français des sports. L'amusement forgé lui-même sur le vieux verbe se déporter, signifiant s'amuser. Qu'on ne refasse pas le coup de Fontenay. En football, en golf, en tennis, ce sont messieurs les Français qui ont lancé les premiers. Messieurs les Anglais, quant à eux, n'ont fait que prendre la balle au bon. Alors comme ça, tu sauras que le foot, le golf, le tennis, le rugby, en partie, aussi le cricket, tout ça, ça vient de chez nous. Ah oui, en effet. Eh ben, au moins, j'aurais appris quelque chose. Alors, si je parle de ça, c'est pas pour rien. Alors, il se trouve que j'ai eu l'idée de faire cette émission en lisant un article dans la décroissance avec un article signé, une interview en fait de Jean-Marie Brome, qui est professeur de sociologie émérite à l'université Montpellier III. Donc il s'intéresse beaucoup au sport. Alors la question, votre ouvrage Théorie et critique du sport, essai sur une diversion politique, s'achève sur une citation de Jacques Ellul, un penseur majeur pour notre courant d'idées. Le sport est un facteur de massification en même temps que de discipline. À ce double titre, il coïncide directement avec une civilisation totalitaire et technicienne. Alors, tout de suite les grands mots. En quoi le système sportif est-il lié au capitalisme? Il y a trois explications fondamentales du sport aujourd'hui. Selon la première, le sport correspondrait à un besoin inné de l'homme, immémorial comme les singes ont tendance à grimper dans les arbres. C'est Pierre de Coubertin qui a façonné cette idéologie sportive toujours dominante. C'était un admirateur de Hitler, raciste, bontain, colonialiste farouche, misogyne absolue. Pour lui, le sport serait un besoin ancestral, un instinct ludique. Il a donc imaginé une continuité transhistorique du sport antique au sport moderne, en passant par les tournois de chevalerie du Moyen-Âge. C'est une anthropologie complètement dépassée, qui est incapable de comprendre l'évolution de l'humanité selon le développement des forces productives, la succession des modes de production et les formes politiques qui en découlent. La deuxième thèse que l'on retrouve à gauche ne considère plus le sport que comme un ensemble de pratiques, sans jamais expliquer d'où elles viennent. Parti communisme est sur cette ligne. C'est un peu comme si vous vouliez parler des pratiques religieuses catholiques sans jamais évoquer le Vatican ou la toxicomanie, sans évoquer les réseaux criminels qui l'alimentent. Alors une petite parenthèse. Alors jadis, on était très croyants, très religieux, on idolâtrait les idoles, genre la statue de la Vierge. Hein. Oui. Bon, maintenant, on idolâtre les écrans. Oui, c'est vrai. On a continué à idolâtrer quelque chose. La religion, c'est l'opium du peuple. Là, on comprend mieux pourquoi le foot en particulier, c'est l'opium du peuple. Alors, la troisième position, c'est la sociologie politique du sport. Selon cette théorie critique dont je suis le fondateur en France, le sport ne peut se comprendre qu'en tant qu'institution. L'État, les médias, la famille, le langage, l'université et la propriété sont des institutions qui étudient la sociologie. La sociologie politique du sport analyse quant à elle la genèse des institutions sportives. Leur fonctionnement, leur financement, leur discours idéologique, leur bureaucratie, leurs pratiques délictueuses. L'institution sportive apparaît en Angleterre, le pays de naissance du capitalisme, au XVIIIe siècle. Voilà de ce dont je parlais avant. Le modèle sportif anglo-saxon se diffuse ensuite aux quatre coins de la planète. Au XXe siècle, le sport est devenu une institution mondialisée. Elle continue à s'étendre. Il suffit de voir comment la FIFA cherche à imposer le foot dans toutes les parties du monde, y compris au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine et aux États-Unis. D'ailleurs, la prochaine Coupe du Monde se tiendra, je crois que c'est au mois de décembre, dans 4 ans. Au Qatar, là. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, au Qatar. Là, j'avais prévu d'en parler dans ces missions, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. C'est tout ce qui est travail forcé. Hein, parce qu'il y avait un site qui était accusé d'employer des travailleurs forcés au Qatar. Et d'ailleurs, il se trouve aussi que... on ne va pas gâcher la fête, mais en Russie, il y a eu beaucoup de travail forcé, notamment, j'ai vu ça, c'est assez étonnant, mais dans l'Est républicain, c'est peut-être le seul truc un peu critique que j'ai trouvé sur toute la Coupe du Monde. Hein. C'est la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu des travailleurs forcés nord-coréens en Russie. Il y a même un qui, apparemment, il les faisait loger dans des conteneurs. Ils en ont retrouvé un qui était mort dans un conteneur, le pauvre. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, j'étais pas au courant, mais je savais que tout le business autour du foot finissait par. Ça, on n'a pas parlé. Voilà. Apparemment, c'est tout ce qui est derrière l'arrière-cuisine dont on ne parle pas. Non. Ces travailleurs nord-coréens, ils ont une particularité. Apparemment, ce serait les travailleurs les moins chers du monde. Ce sera un produit d'exportation du régime nord-coréen. C'est pas très rougoutante, ça. Ah, d'accord, génial. Voilà, apparemment, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que. En fait, ils n'ont pas le choix, les malheureux, parce que sinon, c'est toute la famille qui risque de trinquer. Hein. Alors, tu vois ce que ça peut donner, camp de rééducation, tout ça. Dans ce sympathique pays qu'est la Corée du Nord, qui sera peut-être bientôt fréquentable. Qui sait. Voilà. Alors, je continue avec. Je termine mon article. L'institution sportive est globalisée, marchandisée, financiarisée. Elle génère des profits considérables. Elle exerce un impérialisme culturel, idéologique et symbolique sans limite. Le tennis, le foot, le Tour de France, le rugby, la Formule 1, des courses nautiques sont des institutions façonnées par le capitalisme financier. Si l'on ne comprend pas cela, on ne peut pas comprendre la dynamique sportive. Bon, je dirais que si on a inventé peut-être un truc, c'est peut-être le cyclisme avec les Belges. Parce qu'ils ont inventé la classique, mais nous, on a inventé la course par étapes. Oui. Bon, les cyclistes, nous avons inventé autre chose. On se fait une petite pause musicale. Oui, tu veux écouter le morceau que tu as choisi? Voilà. Allez, il s'agit de Fearless de Pink Floyd. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Thank you. Hear the sound of the Voilà, bah nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Gemozo. Alors, je crois que tu voulais dire quelque chose, Ludmila. On a parlé en hors antenne. Oui, non, mais c'est juste mon rapport avec le football. Bon, je vais peut-être pas me faire des amis, mais quand on n'aime pas, on n'aime pas. Mais je sais pas si c'est vraiment dans ce sens que tu veux mener l'émission. Mais j'ai déjà fait une chronique à ce sujet il y a 2 ans, je crois, sur l'euro. Et puis voilà, je pense que certains auditeurs qui me connaissent savent un petit peu mon rapport vis-à-vis du... Alors, pas du sport en lui-même, mais de tout le tintouin qui est fait avec. Je sais pas trop ce que t'en dis toi, ce que t'en penses toi, ou comment tu le vis. Je voulais parler, bah, je sais pas si j'en parlerai, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais les dérapages financiers. Parce que j'ai commencé un article, commencé à lire un article. Il faut se rappeler, par exemple, là, tu fais bien de parler de ça, mais il y a 2 ans, il y avait l'euro en France. Eh oui. Et c'était c'est passé quelque chose, j'ai trouvé de vraiment alors, de proprement incroyable. C'est que l'euro qui avait été attribué à la France, il devait coûter au début, selon Sarkozy, 200 millions d'euros. En fait, le coût a fini à 2 milliards. Voilà, c'était multiplié par 10. Oui. Oui, en effet. C'est un scandale qui n'a choqué personne. Ce qui était encore plus choquant, voire même énervant, c'est que en fait, tu pouvais pas regarder les matchs à la télé française. C'était uniquement oui. Sur les chaînes privées. Parce que c'est quand même incroyable, parce que c'était tout ça, c'était financé par le contribuable français. Et, j'ai pas entendu un seul homme politique s'énerver devant ça. J'ai trouvé ça proprement vraiment sidérant. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On va pas forcément revenir sur l'argent avec le fait que les joueurs sont trop payés. Toutefois, j'ai entendu dire, j'ai lu un truc rapidement sur, je crois, Kylian Mbappé qui reverse la quasi-totalité de ses gains à des associations, des causes caritatives. Ça, c'est des gens comme ça qui représentent bel et bien le sport. Il faut quand même le souligner. Hein, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, hein, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais... Voilà. Mais voilà, c'est bien aussi de souligner que c'est pas un sport controversé, c'est un sport ultra populaire, mais il y a tout, et puis il y a des gens bien, il y a des gens qui ont des valeurs, il y a des gens qui... Voilà. Et en tant que non-amatrice de football, j'ai rien contre ces gens-là. C'est en fait contre tout ce que ça représente derrière. Et bon, quand on fouille un peu, on se rend compte aussi que le business qui est fait derrière, hein, pas les sportifs encore une fois, mais le business et tout ce que ça implique, c'est beaucoup plus grave. Et voilà, c'est extrêmement grave. Antoine, tu tiens ta souris à l'envers en fait. Ouais. Je crois que c'est... Non mais j'écoute ce que tu dis quand même. Non mais là, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus de morale. De toute façon. Non, si tu veux, je peux en parler un petit peu pour dire ce que moi j'en pense. Si tu veux, je peux te... question morale, j'ai faire une petite citation. Tu, oui. Là, tu verras que ça se passe de commentaires. Hein. C'était il y a 4 ans. Hein. Alors, la Coupe du Monde était au Brésil. Oui. Et là, à ce moment-là, ça commençait, les Brésiliens commençaient à râler contre la vie chère, tout ça. Et là, il y a une citation de Platini, qui était président de l'UEFA. « Le Brésil fait un effort pendant un mois. Calmez-vous, rendez hommage à cette belle Coupe du Monde. On était au Brésil pour leur faire plaisir. S'ils veulent attendre au moins un mois avant de faire des éclats sociaux, ça serait bien. » Ah bah dis donc, mais il n'est pas gêné. C'est récent quand même. Oui, c'est ahurissant. Les gens ont droit de protester parce que leur niveau de vie se voit augmenter sans les revenus qui vont avec. Enfin, voilà. Ces gens ne comprennent pas. J'ai lu aussi un article qui disait qu'à partir de plus de 4000 euros par mois, les gens n'avaient plus du tout les pieds sur terre. Et c'est vrai que c'est ahurissant. Tu vois des gens, je crois que c'était Copé, qui s'imaginait que dans une boulangerie, le petit pain coûtait 15 centimes. Mais attends, qui va chercher un petit pain à 15 centimes à la boulangerie? C'est aberrant. C'est des gens qui n'ont aucun sens des réalités, qui vivent sur une autre planète, sur un autre nuage. Mais ça aussi, c'est propre au monde politique. Oui, bah, j'avais parlé aussi. On peut en parler longtemps de ça. J'avais envie de parler aussi un peu d'argent, mais c'est vrai que... je ne sais pas si c'est combien est payé Didier Deschamps. Aucune idée. 3 millions 4, 3,4 millions d'euros par an. C'était le deuxième entraîneur le mieux payé avec l'entraîneur allemand Joachim Löw, qui était payé 3,6 millions d'euros par an. Mais dis donc, c'est énorme. Et encore, selon certains commentateurs sportifs, ça serait presque des pauvres comparé au salaire des entraîneurs des grands clubs. Oh. J'ai même entendu qu'en fait, dans le championnat français qui est pas un des plus réputés, c'est presque des pauvres, hein. Je ne sais pas si tu connais le montant du salaire moyen, footballeur professionnel. Aucune minimum, idée. Minimum. Salaire minimum, 10 000 euros. Bah. C'est déjà. Bon. Il y a beaucoup de pauvres qui voudraient bien avoir cette somme. Oui, rien que 10 000 euros en un an, moi je serais contente si j'avais. Il me semble que je ne touche même pas ça. Donc oui, rien que ça. Enfin, même pas moi, les autres aussi. Voilà. Bon, on pourra employer une paire de personnes à Radio Guamoso, effectivement. Largement. Alors, je vais continuer sur notre lancée, avec l'article de Jean-Marie Brome. Alors, à la question toute critique radicale de la civilisation technicielle, doit-on s'attaquer au système sportif? Alors, le sport participe à la course technicienne. Il façonne irréversiblement le devenir de la planète. Prenez le rôle des régates en mer, des rallyes automobiles, de la compétition cycliste avec des recherches de pointe pour améliorer les performances des machines. Le sport nécessite tout un appareillage technologique, chronométrage électronique, mesure permanente, vidéoscopie. Il participe ainsi de l'arraisonnement du monde par la technique. Il suffit de voir comment l'espace est bétonné par les constructions des circuits, des stades et des infrastructures qui vont avec des stations de ski, etc. Le sport participe directement au saccage de la nature. Il nous enferme dans la futilité. Le sport est à la fois une puissance idéologique et une activité dérisoire éphémère. Les compétitions se succèdent après Roland-Garros, Wimbledon, après la Coupe du Monde, le Tour de France. Les matchs passent, les gloires sont remplacées, les gloires d'aujourd'hui seront tombées dans l'oubli d'ici à 20 ans. Mais les problèmes sociaux et écologiques restent. Alors c'est vrai que c'est d'aligner ce qu'on est en train de dire. Hein. Y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est... J'ai tendance à être extrêmement critique avec les médias, à juste titre, parce que... Ils n'ont pas parlé du travail forcé pendant le mondial, ou avant plutôt. Et d'autres choses, on n'a jamais parlé, ce qui est des choses qui sont passées en France aussi. La construction du grand stade de Lyon, par exemple. Ouais. En fait, c'était. Parce qu'il y a déjà un stade à Lyon. Et apparemment, il n'était pas assez gros. Alors, ils ont reconstruit un autre à côté. Ah oui, juste à côté. C'est-à-dire en massacrant les terres agricoles situées sur la commune d'à côté. Et donc, ce qui est complètement stupide, mais enfin bon. Mais l'autre, il reste ? Oui, je crois qu'il sert au rugbyman. Mais c'est pas là, je parlais de l'Euro 2016, c'est lié aussi à l'Euro 2016. Ouais. Alors ils ont construit plein de stades comme ça, mais sans démolir l'ancien, ce qui fait que en fait, la ville, on est toujours dans l'urbanisme anarchique, et puis l'extension urbaine, puis des terres agricoles qui disparaissent. Et il y a même un énorme scandale, je trouve ça lamentable de la part des médias français. C'est quand même un agriculteur qui a refusé de vendre ses terres parce qu'il les rachetait au beau prix. Un bon prix aux agriculteurs qui voulaient céder. Il y en a un qui n'a pas voulu. Ouais. Elle était dans son beau droit, mais en fait, on l'a quand même envoyé la police, tout ça, pour lui piquer ses terres. Et on lui a indemnisé une somme de 1 euro par mètre carré. Ce qui est absolument dérisoire. Hein. C'est scandaleux. Ouais, c'est ridicule. Ouais. Le pire scandale, c'est aussi qu'il a eu quelques ennuis parce qu'il a été tabassé par des inconnus, tout ça. On ne sait pas qui c'est. On va dire que ce scandale du grand stade de Lyon ne s'arrête pas là, parce qu'il y a eu des... C'est soi-disant que c'était un stade privé, donc avec des capitaux privés. Mais le problème, c'est que le métro, il s'arrête à la station du stade. Ce qui fait que c'est l'argent public qui est détourné pour des intérêts privés. Bon, on voit que les supporters, la question de la morale, apparemment, c'est pas ça. Pas vraiment, non. On peut continuer longtemps sur la question de la morale, si tu veux. Hein. Voilà. Parce que tu sais que pour le Brésil, ils ont dû déforester énormément. Donc ils ont détruit les habitats de nombreux animaux sauvages et probablement en danger. Voilà, parce que ce que disait Jean-Marie Roux, hein, ça participe au saccage écologique. Hein. Bah voilà, déjà le saccage écologique, ils chassent aussi des gens de chez eux, probablement en leur rachetant pour une somme dérisoire ce qui leur restait de terrain. Et ça, c'était pas la mafia russe, ça, c'était bien en France. Hein, c'est passé, ah oui, oui, oui, mais moi j'étends en fait au reste du monde, parce que je pense au Brésil et aussi la Russie, t'as parlé de la Russie. Où ils ont abattu un nombre incalculable de chiens et de chats errants, juste pour pas qu'ils traînent dans les rues. C'est complètement aberrant. Enfin, je sais pas toi ce qu'il en est vis-à-vis des animaux, mais pour moi, les animaux sont des êtres vivants sensibles. Et leur vie a autant de valeur que celle d'un être humain, pour moi. Et bah, pour moi, c'est tout simplement un génocide pur et simple, que tout le monde sait et qui dérange personne. Et moi, ça me révolte complètement. Si tu veux, moi, c'est la question du capitalisme qui est derrière tout ça. Oui, si, tant oui. que ça sera la question du profit, donc de faire le maximum de capital, il y aura pas de changement. Hein. Comme disait, on va se faire un pognon de dingue. Oui, mais là, je me rends compte quand même que c'est encore plus grave. Déjà, avec le sang des animaux qu'ils ont sur les mains, ils ont même le sang de travailleurs forcés sur les mains en 2018. C'est quand même aberrant. C'est aberrant qu'en 2018, on entende encore parler de travailleurs forcés. Je parle de capitalisme, c'est vrai que la Corée du Nord, c'est pas un pays capitaliste, mais c'est un peu productiviste. Pour moi, c'est pareil. Le communisme, c'était la même chose. Bah oui. Même s'il n'y a pas le profit, il n'y a pas plus de morale. Non, en effet. Alors, on se fait une pause musicale. Allez, hop, une deuxième, et cette fois, c'est un morceau de... Nicolas, je ne sais pas si je le prononce bien, Nicolas Bacchus, le morceau intitulé Coupe d'immonde, parce qu'il avait l'air plutôt marrant. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Ainsi font les cons, on est hommes les champions. Moi j'en avais pas vu tant jouer, je vais faire réviser ma télé. Quand le sida se guérira, j'ai bien peur que ce jour-là, pour fêter ça dans la rue, y ait beaucoup moins de beaux culs. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Pendant ce temps, au Soudan, on s'est trippé gentiment, on crevait de faim dans les camps, plus on le sait vite, moins on a le temps. Encerclé, corps HD, peut continuer à gueuler, son théâtre a s'écroulé, on n'entend que les coups de sifflet. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Les charters, supporters, viennent télé, repartent sans lumière, mais pas sans passager ni flic, ça serait anti-économique. Les clans des sans-papiers ont gagné d'autres billets, les yeux rivés sur le ballon, on voit pas passer les avions. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Algérie, amnésie, pendant un mois c'est l'orgie. Les barbus ont bien appris, la mort subite mais sans pénalty. Matoub, Lounès, mais qui est-ce? Josette, il joue dans quelle équipe ce Lounès? L'a pas compris ce pouilleux qu'on crève pas dans les arrêts de jeu. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Les pédales qui s'emballent pour 22 shorts en cavale sont comme des minettes en chaleur, mais leurs boys band sentent la sueur. si tu veux, dans mon pieu, avec moi te faire un peu vieux. J'aimerais bien que dans ta tête, ça pue moins que dans leur basket. Pour me rouler dans l'herbe et courir après les garçons, j'ai pas besoin qu'ils soient millionnaires, ni qu'entre nous y ait un ballon. Va te rouler dans l'herbe avec des filles ou des garçons, laisse tomber les millionnaires, oublie ce monde qui tourne par rond. Viens te rouler dans ma mauvaise herbe, on ira mater les garçons. On sera jamais millionnaire, on fera l'amour et ça sera bon. Qu'est-ce que ça sera bon? C'est Bella Tam. Voilà, bah, de retour sur l'antenne de Radio Gamozo où on parle toujours de sport. Eh oui. Mais on n'a pas de résultat sportif à l'année. Hein. Non. C'est une critique, on va dire, assez radicale. Ah, si, attends, si on a un seul résultat sportif à donner, quand même, je me permets de le faire quand même, comme tout le monde parle de football. Mais il y a une autre Coupe du Monde que tout le monde a passé à la trappe. Il s'agit de la Coupe du Monde de triathlon en relais qui a eu lieu à Hambourg dimanche. Et l'équipe de France a remporté justement le triathlon en relais mixte. Et aussi pour eux pour la deuxième fois. Donc c'est important aussi de souligner qu'il y a d'autres équipes sportives aussi qui concourent à ce moment et qui sont moins médiatisées, c'est dommage. Hein. Ouais, bon, c'est toujours été comme ça. Hein, oui, façon. Mais comme ça au moins je l'ai dit. Ah bon. Ouais, le triathlon, ça ne m'intéresse pas plus que le foot, franchement. Non, mais c'est juste un sport moins médiatisé. Voilà. Moi aussi, c'est aussi l'ultra-médiatisation du football qui me pose problème. Enfin, j'ai plein de problèmes existentiels dans la vie aussi, hein. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Alors, toujours avec le... J'ai continué sur ma lancée. L'article de Jean-Marie Brown, donc professeur de sociologie spécialiste de la critique du sport, surtout de l'idéologie sportive, on va dire. À la question, vous montrez que le sport est un phénomène social total et qu'il y a une sportivation de l'existence. Dans quel sens celle-ci modèle-t-elle? Le culte du sport va-t-il de pair avec le culte de la performance, du rendement, de l'efficacité, du dépassement des limites, et donc de l'idéologie de la croissance? Déjà chez Coubertin, on trouve l'idée de rebronzer la jeunesse. Les régimes sportifs, sans exception depuis l'Angleterre coloniale, veulent s'appuyer sur une jeunesse athlétique. Le sport anglais avait pour but de développer la volonté, la compétitivité, l'endurance, le fighting spirit. Les qualités conquérantes pour coloniser les sauvages, comme disait le baron Pierre de Coubertin. Dans son article « Les sports et la colonisation », la préparation militaire passe toujours par l'entraînement physique des corps. Toutes les idéologies fascistes, Mussolini, les nazis, Pétain, les staliniens se sont servis du sport pour mobiliser les foules, encadrer la jeunesse, la fortifier, la discipliner, diffuser le culte du héros, du guerrier et du stakhanoviste. Alors je vais faire un petit écart. Est-ce que tu connais l'histoire du foot en Union soviétique? Je trouvais que c'est une histoire assez intéressante. Hein. Oui, en fait, tu sais, parce qu'à à l'époque où il est arrivé en URSS, il n'y avait pas de télé. Hein. Ouais. Et il est arrivé en URSS d'une manière assez étonnante. Il aurait été importé par les marins anglais. C'est une histoire un peu similaire avec le rugby en France, parce qu'il apparemment sera arrivé dans la région parisienne aussi par les anglais. Alors pour une raison pas forcément totalement déterminée, c'est dans le sud-ouest de la France qu'il a vraiment prospéré. Mais il reste quand même des clubs parisiens dans le rugby. Hein. Donc je parlais qu'en fait, il est arrivé en Union soviétique par les marins. Et c'était après la révolution, on va dire, bolchevique. Oui. Ce qui a quand même posé un petit problème aux bolcheviques, parce qu'ils avaient peur que ça puisse se transformer, on va dire, en réunion politique. Alors, ils ont eu une idée, je trouve, assez géniale. Plutôt que d'interdire le foot, ils se sont dit, en fait, on va le canaliser. Oui. Ils ont créé des... Pour le canaliser, ils ont carrément créé des clubs sportifs. Et je ne sais pas si tu connais les clubs de Moscou. Pas du tout. Le Spartak de Moscou, le Torpedo, le Lokomotiv, et puis l'année dernière, le CSKA. Bon, je sais pas. En fait, le Spartak, ça vient de Spartacus. Oui. le fameux esclave donc romain. Je crois que c'était le club des ouvriers, puis le locomotive, ça doit être le club des cheminots. Le torpedo, c'est peut-être, je me souviens plus, mais c'est le club des militaires. D'accord. En fait, ils ont créé toutes ces chapelles pour canaliser les foules. Et ça a marché. Comme quoi, il y a toujours les deux côtés. Hein. Mais on voit qu'une fois que... qu'on peut toujours manipuler tout ça. Hein. Oui. Alors, je termine avec Jean-Marie Brome. Le discours macronien des premiers de cordée, c'est aujourd'hui la même histoire. Il nous sert l'image d'un compétiteur idéal capable de se dépasser, sans même savoir pourquoi. Le langage politique s'est complètement sportivé, et le vocabulaire économique aussi. C'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus d'entreprises avoir recours à des stages physiques pour ressouder les équipes, pour appeler les salariés à se surpasser. L'esprit entrepreneurial rejoint l'esprit sportif. Avec ses injonctions à la productivité, à la compétitivité, à la discipline, à l'obéissance, au rendement, l'optimisation du temps. Le sportif de haut niveau est obnubilé par la gestion de son temps. Entre l'entraînement et la compétition, tout comme les cadres sont obnubilés par leur emploi du temps et la maximisation de leur performance. Le culte de la performance, on le retrouve à la fois dans le sport et dans l'entreprise, avec une vision tronquée du corps. Avec un corps-machine totalement formaté par la technique qui doit carburer, fonctionner et être efficace. Donc, le gouvernement est dans ce registre-là. La réussite individuelle à tout prix, l'accomplissement par la victoire. En oubliant cependant que la compétition, c'est toujours l'élimination des faibles, des losers, par les forts, les winners. Le sport porte en lui l'idéologie de la lutte pour la vie, le struggle for life, comme la sélection sociale porte en elle les justifications des inégalités. Un petit commentaire? Pas plus que ça, non. Je vais faire un petit aparté aussi sur une personnalité qui mérite qu'on en parle un petit peu. J'avais prévu d'en parler plus au début de cette émission. Donc, parler de Coubertin. Tu connais Coubertin, je pense. Mais si, c'est celui qui est... Il est l'auteur de cette maxime mondialement célèbre, l'important c'est de participer. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Parce que la citation exacte, c'est l'important dans les Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Et en fait, ce n'est pas lui qui a fait la citation, parce qu'il l'a simplement reprise. D'accord. Alors, qui n'est pas un personnage, on va dire, complètement neutre. Hein. Puisque c'est lui qui a recréé les Jeux Olympiques, soi-disant instauré des Jeux Antiques. Il nous a même... à chaque fois que tu écoutes les Jeux Olympiques, on nous parle de l'esprit à l'Olympique. Enfin, moi, j'ai envie de rire, parce qu'en fait, c'est jamais qu'une vaste fable. Hein. Les Jeux Olympiques? L'esprit olympique. Ah. Explique-toi. J'essaie de comprendre. Voilà. Bon, en fait... dans l'Antiquité, il y avait autant, on va dire, autant de magouilles que les Jeux olympiques actuels. Ah. Le dopage existait déjà, puis en fait, il y avait des... déjà de la magouille financière, tout ça. Et en plus, c'était des Jeux quand même beaucoup plus violents que maintenant. Je parlais de la soule au début de cette émission, c'était un peu dans cet esprit-là aussi. D'accord. Ouais, je ne vais pas m'attendre sur le sujet, mais j'ai vu un reportage là-dessus sur Arte il y a quelques années, c'était assez intéressant. Je pense qu'on peut encore retrouver ça sur Internet, même des excellents articles. Oh oui, c'est sûr. Voilà. Alors, Coubertin, c'est lui qui était président du CU, je crois, pendant les Jeux de 36, les Jeux de Berlin. D'accord. Ah, lui, c'est... En fait, il était en Angleterre à la fin du XIXe siècle et ça donnait au sport, on va dire, aviron, escrime, tout ça. C'était les sports de l'élite anglaise, comme je l'ai précisé au début de cette émission. En France, on ne voyait pas ça d'un œil presque mesquin, apparemment. Alors, pourquoi il aimait ça? Pourquoi il a voulu instaurer instaurer le sport en France. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était un fervent partisan de la colonisation. Avec une petite citation, « Dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique. » Donc il voyait dans le sport, à l'instar de nombreuses élites de la Troisième République, un instrument de disciplinisation des indigènes. Et je note ce qui est sur Wikipédia. Pour certains, Coubertin de surcroît clairement raciste. Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche, de sens supérieur, toutes les autres doivent faire allégeance. Donc, pendant les Jeux de Saint-Louis de 1904, a lieu des journées anthropologiques, compétition réservée aux représentants des tribus sauvages et non civilisées. Alors, tu vas me dire, c'est Coubertin qui est derrière ça, mais en fait, pas tout à fait, parce qu'il a, apparemment, il a quand même critiqué ça. Mais il aimait bien aussi, on va dire, les femmes. Il était aussi la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Alors, petite citation, « Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle, où serait l'intérêt ? Impratique, inintéressante, inesthétique. Et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect. Telle serait, à notre avis, cette demi-Olympiade féminine. Ce n'est pas là notre conception des Jeux Olympiques dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher les réalisations de la formule que voici. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin pour récompense. » Un brave homme, quand même. Je sais pas si t'as pas écouté. Hein. En fait, je suis en train de bugger. Comment ? Je suis en train de bugger. Ah. Moi, c'était bien la peine que j'en parle. En fait, c'était. Coubertin, c'était quelqu'un qui voulait instaurer l'esprit de compétition dans la nation française. Et je crois que c'est en plus sur le côté économique, c'est ce qu'on appelle de nos jours un néolibéral. Hein, ou un ultra-libéral plutôt. Donc on voit que tout ça, c'est quand même pas neutre. Il nous reste combien de temps, là, Ludmila ? Il nous reste 5 minutes génériques compris. Voilà, bah, je vais finir avec l'article de Jean Méro. On n'aurait même pas le temps de faire une troisième pause musicale. Eh non. Mais c'est un article assez synthétique, assez intéressant, je trouve. Alors la question... Les grands spectacles sportifs semblent de plus en plus envahissants. Les événements planétaires comme les JO et les Coupes du Monde rassemblent les masses derrière les stades et derrière les écrans. La moindre vidéo insignifiante d'un champion bardé de publicité est désormais partagée sur les réseaux informatiques. Ce matin, j'entendais aux informations nationales de Radio d'État qu'un joueur de l'équipe de France s'était tordu la cheville à l'entraînement. Le rôle de diversion et l'abêtissement que remplit le sport ne se renforce-t-il pas avec le temps ? Quand il y a une telle idolâtrie pour les sportifs, riches et robotisés, façonnés par l'entraînement pour être hyper spécialisés dans les gestes répétitifs, n'est-ce pas cela qui révèle l'état de notre civilisation ? Le règne de l'insignifiance, de la vacuité, du vide. En réponse, complètement, le sport envahit tout. Il est devenu l'objet principal du spectacle capitaliste. Le contenu du spectacle, ce sont des choses inessentielles. L'anniversaire de la reine Elisabeth, le mariage de son petit-fils, la mise en scène du sacre de Macron, et ainsi de suite. Le capital se met en spectacle avec des dispositifs technologiques qui sont aussi des dispositifs idéologiques. Dans ce besoin d'apparence, d'enfumage, de fidélité, le sport paraît essentiel. C'est pourquoi une banque propose un crédit à des gens qui voudraient assister à la coupe du Monde de foot en Russie. Coca-Cola et Hyundai sont partenaires de l'événement. Le Crédit Lyonnais sponsorise le Tour de France. Partout à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, on bouffe du sport matin, midi et soir. Pendant que les inégalités sociales s'accentuent, le capitalisme réduit massivement les océans, la faune, la flore, le sport divertit les foules. C'est un facteur de légitimation d'un ordre inique. Alors ça me rappelle un peu, Tu te souviens, les dessins de Cabu. Il avait une rubrique dans le canard enchaîné, c'est les nouveaux beaufs. Et un de ces beaufs, qui était comme assez rare, c'était et un sportif. En fait, il avait qu'une phrase, c'est qu'à chaque fois, il disait « Je ne fais pas de politique ». Je vais terminer donc avec une dernière partie de son entretien avec le journal des croissances. La question, la droite et la gauche unies dans la même célébration des champions. Vous-même avez subi des accusations venues du PC et du camp progressiste. Ne pas participer à la communion autour du ballon rond, c'est s'exposer aux accusations d'élitisme et d'intellectualisme. Comment se fait-il que la critique de l'abrutissement des masses par le spectacle sportif soit aussi peu présente, surtout chez ceux qui prétendent émanciper le peuple? Avec un exemple, celui de Mélenchon. Le 16 mai 2018, au siège de la France insoumise pour soutenir l'OM ce soir. Il faut égaliser. Alors, réponse de Jean-Marie Brome. Après mai 68, le discours que nous sommes en train de tenir paraissait évident. Les intellectuels qui étaient influencés par l'école de Francfort, par des penseurs comme Marcuse, Adorno, Reich ou Fromm, ou les situationnistes genre Guy Debord, ou Castoriadis, aujourd'hui, nos thèses ne sont plus admises parce qu'il n'y a plus de force politique de négation du capitalisme. Il y a eu un profond retournement idéologique, non seulement dans la critique du sport, mais aussi sur d'autres terrains. Quand on voit par exemple qu'une partie de la gauche est devenue islamiste et défend le voile, alors qu'une autre partie soutient des dictateurs comme Maduro et Poutine. On peut dire que ce n'est pas tout à fait inexact. Ces positions-là, elles étaient encore inconcevables voilà 40 ans. Le rôle idéologique du sport n'est plus pensé aujourd'hui. Au contraire, des universitaires, des journalistes et des hommes politiques sont contents de se faire photographier comme des crétins parmi des foules de supporters. Alors, petite parenthèse. Parce que tu sais qui a dit « la Coupe du Monde débute demain, on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon ». Non, mais je veux bien savoir qui a dit ça. C'est Anne-Sophie Lapix. Au JT de 20h de France 2. Ouais, je te rassure, elle a été rappelée à l'ordre. Ah. Mince, c'est vrai que c'est terrible une journaliste qui pense pas comme tout le monde doit penser. Voilà, bah c'est ça exactement. Alors, je continue, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais. J'ai assisté à un match au Vélodrome. Pendant 90 minutes, des supporters torse nu, hystériques et alcoolisés criaient « enculé, enculé ». Et vous avez des ethnologues, des sociologues, des journalistes qui viennent vous dire « le sportérisme, c'est merveilleux, le foot, c'est le vivre ensemble ». Ces meutes sportives qui se rassemblent dans les stades pour hurler, c'est pire que du grégarisme. Bon, comme quoi, pour observer les primates, il n'y a pas besoin d'aller à Bornéo. Non. Fin de l'article. Mélenchon sait très bien que la financiarisation qu'il critique est à l'œuvre dans le sport, que les clubs sont aux mains des oligarques, des fonds de pension, des mafieux, des manias du golf. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Hein. Non, en effet. Il connaît les scandales de la FIFA, du CEO, les affaires de corruption, de dopage organisées en Russie. Mais là, il est dans la dénégation. Je sais bien que le sport est pourri, mais c'est quand même le sport, c'est la culture populaire. Pour la pensée dominante, le sport, c'est bon pour la jeunesse, pour l'économie, pour la santé, pour la citoyenneté. L'idéologie est là, mais en fausse conscience, comme l'appelait Marx. Et si vous mettez à critiquer l'institution sportive, à révéler ses coulisses peu reluisantes, les chiens de garde du sport viendraient vous reprocher d'être trop négatif, dissolvant, nihiliste. Ils voudraient nous enfermer dans un consensus conformiste qui annihile la pensée. C'est cette déperdition de l'esprit critique, cette régression idéologique et politique massive, en gros depuis les 1980, qui caractérise aujourd'hui l'idéolâtrie de l'opium sportif de masse. En 1978, quand on appelait au boycott du mondial organisé en Argentine par la junte militaire de Videla, alors que les opposants politiques étaient torturés à côté des stades de foot, le mouvement de contestation était massif. Mais aujourd'hui, on se passionne pour l'état de la cheville Neymar, si d'aventure Par malheur, la France gagnait la Coupe du Monde, il faudrait s'attendre à une nouvelle déferlante sur les Champs-Élysées, comme en 1998. Un peu prophétique, de part. Oui, surtout après avoir vu les photos de dans quel état sont les Champs-Élysées en ce moment, c'est beau. Voilà, bah, avec des formidables, des morceaux d'anthologie, dirais-je même, de reportages, de grands moments de journalisme, avec du vide, vide intégral pendant 90% du journal, des journaux dominants. En effet. On peut s'en passer tout ça, je pense. Je pense aussi, je pense sincèrement qu'on peut s'en passer, surtout encore que l'engouement autour du sport, c'est pas le problème, hein. C'est bien de faire du sport, ça réduit beaucoup les problèmes. Mais bon, dire on a gagné alors que t'es resté dans ton canapé avec ta bière, non, t'as pas gagné, c'est l'équipe là qui a gagné. Oui, en fait, on peut dire aussi ce que... Je parlais de Guy Debord, les situationnistes, en fait, ils critiquaient ce qu'il appelait la société du spectacle, ceux qui vivent leur vie par procuration. Ben, c'est tout à fait ça. Hein. C'est les... Il y a beaucoup, ils sont à fond là-dedans parce qu'ils n'ont pas de vie intéressante à côté. Hein. C'est comme le vide. Mais c'est affligeant, c'est tout. Oui, bah dans ce cas, vivez votre vie pour vous. Hein. Les voilà. Autres ne la vivront pas à votre place. Il y a peut-être des gens qui écoutent notre radio et qui n'apprécient pas du tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on a pu dire dans toute cette émission, mais là, c'est quand même un peu la réalité, tout ça. Non, et s'il y a un auditeur qui n'est pas content ou qui a envie de réagir et dire qu'il n'est pas d'accord et pourquoi, j'invite sans aucun problème l'auditeur à réagir en nous écrivant sur notre page Facebook ou à contact@radiogemozo ou par courrier. Hein. N'ayez pas peur de dire que vous êtes ou non d'accord avec ce qu'on dit. Après tout, la beauté de la liberté d'expression, c'est d'être de différents avis, tout simplement. Enfin, je pense que c'est là-dessus qu'on va tout doucement s'arrêter, non ? À part Gemozo, j'ai jamais entendu de moi un esprit critique sur tout ça. Tiens, j'en sais pas, je connais pas encore assez les autres médias, mais c'est une piste à explorer, ça. Voilà. Bon, on en aura fini pour aujourd'hui, je pense. Oui, on en a fini pour aujourd'hui. D'ailleurs, ça y est, on entend le générique tout doucement qui débute. Bah, à bientôt, alors. Ouais, à bientôt, Antoine. Merci beaucoup pour cette émission. Merci aux auditeurs qui ont suivi l'émission jusqu'au bout. Et puis bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À la prochaine.